Qui suis-je? Rien. Mais a-t-on besoin d'être quelque chose pour supplier? Est-il nécessaire d'être grand pour crier grâce? Hommes des îles de la Manche, nous, proscrits de France, nous vivons au milieu de vous. Nous vous aimons. Nous voyons vos voiles passer à l'horizon dans les crépuscules des tempêtes et nous vous envoyons nos bénédictions et nos prières. Nous sommes vos frères. Nous vous estimons. Nous vous honorons. Nous vénérons en vous le travail, le courage, les nuits passées à la mer pour nourrir la femme et les enfants, les mains calleuses du matelot, le front hâlé du laboureur. La France, dont nous sommes les fils et dont vous êtes les petits-fils, l'Angleterre, dont vous êtes les citoyens et dont nous sommes les hôtes. Permettez-nous donc de vous adresser la parole, puisque nous sommes assis à votre foyer, et de vous payer votre hospitalité en coopération cordiale. Permettez-nous de nous attrister de tout ce qui pourrait assombrir votre doux pays.